avait là-bas du soleil tout le temps, mais pas seulement. Des millions d'étoiles en plein jour, le ciel couleur d'argent. Les gamins grillaient sur le sable, leur peau sucrée pendant. Qu'ils buvaient des fruits inouïs, secrets du continent. Un jour il rentrera, puisque sa ville attend. Qu'il est né dans le froid et qu'il l'aime, et pourtant jamais il n'oubliera l'homme qu'il était avant. Léger, libre soldat, soulevé par le vent. Se sent plus vivant. Il y retournera, puisque sa vie l'attend. De l'autre côté là-bas, loin des siens, loin des gens. Mais jamais n'oubliera la cité qui l'attend, enlisée dans le froid de son pays glaçant. Fois qu'il dit ça, toujours pour nouvel an. Mais cette fois-ci c'est bien la bonne, il ne fera plus semblant. Il ne reviendra pas, puisque sa vie l'attend. Là où il ne pleut pas, là où les pères s'en vont. Et jamais n'oubliera celle qu'il laisse en partant. Ne se retournera pas pour oublier son nom. Sonner l'heure de ses 60 ans, son voilier imaginaire n'a pas bougé finalement. Au lieu de naviguer au large, il a reçu seulement un message de sa fille cadette qui est partie il y a 10 ans. Elle ne reviendra pas, puisque sa vie l'attend.